C'est quelqu'un qui prend la parole à travers la parole des autres, ouais. Qui l'a suscité. Bon, moi, ce qui m'a, quand j'ai écrit dans les cahiers du cinéma des articles sur ces films, c'est que moi, je faisais aussi, comme on a discuté, je faisais de la vidéo militante, mais en même temps, comme Daniel l'a dit, quand on a parlé de cinéma, nous, on cherchait à faire du cinéma d'auteur. Quoi. On était, et on le faisait par la vidéo. On n'avait jamais renoncé à être auteur, à écrire, à avoir un point de vue personnel, à trouver des formes singulières, etc. Bon. Et donc, quand on travaillait avec les Roussopoulos ou à côté, tout ça, moi, j'ai vu un peu naître le montage, sans doute, mais je ne m'en rappelle plus. Je passais à l'épicerie souvent, mais... bon, et puis un jour, je commençais à être envoyé, c'est assez vite, c'est en 78, ça, non, ce texte. Oui, absolument, février 78. Oui, bah, moi, j'étais rentré au Caire en 77, et le premier article que j'avais écrit, c'était 20 pages contre le film de Cassanti sur l'affiche rouge. Mais d'années que j'avais croisé chez Charles Belmont et tout ça, j'avais quitté Cinétique depuis 3 ou 4 ans, j'avais écrit un roman, etc. Et puis, il me dit, tu veux pas écrire au cahier? Je dis, oui, bien sûr. C'est mon rêve depuis toujours. Quand on est comme ça en province, quand on lit les cahiers, on rêve de... Bon. Et il me dit, donne-nous un texte. Alors, je fais un texte de 20 pages. Et après, il me disait chaque fois qu'on en parlait, mais c'était d'une violence incroyable. Et ça s'appelait Histoire du, parce que c'était après Histoire d'eau, Histoire d'A, plutôt, pardon. Histoire. Oui. Tout le mouvement avec Belmont et Sartel, tout ça, sur l'avortement. Et Histoire du, c'était contre, justement, ce chantage à l'unité, à l'union. Voilà, je me moquais des révisos, quoi. Voilà, j'étais Mao avant, et il m'en restait quelque chose, voilà. Et puis, ça doit être un des premiers grands ensembles que j'ai fait, parce que je leur disais, voilà, j'ai vu ça, allez, vas-y, fonce. Et ça a donné aussi deux numéros, je crois. Hein. Ouais, 287 aussi. Voilà. Et je l'abordais, non. J'abordais ces œuvres en tant que... Cinéma militant, mais plus que ça, quoi. C'était quelque chose qui avait réussi à créer une geste d'image et de parole qui répondait à ce que je cherchais moi-même en essayant de faire des films. Voilà. Et ce que j'ai pas relu mon texte, je crois que ce que je cherchais, c'est toujours de mettre à jour des formes. Les formes qui m'impressionnaient chez Gatti, ces formes narratives là, cet art du conte, c'est un conteur, hein. Il raconte et il convoque les images et ça c'est comme Jean Rouch. Pour moi c'était comme Jean Rouch qui raconte ce qu'il a vu et dont si on enlève la parole de Jean Rouch de ce film, bon, ça devient banal, c'est de la technologie banale. C'est vraiment quelqu'un qui est au cahier du cinéma. On pensait que la modernité venait de la parole et du théâtre. Alors, il y avait cette théorie que le cinéma de la nouvelle vague, c'est un cinéma qui a constamment revisité le théâtre. Rivette avec L'amour fou, mais les citations de Godard, de Music-Hall, Une femme est une femme, par exemple, etc. Donc, moi, chaque fois que je vois des vidéos de Gatti, des télévisions de Gatti, je vois le théâtre qu'il a fait, les formes qu'il avait déjà trouvées au théâtre, mais il ne s'est pas contenté de les répéter au théâtre. Il les a après apportées vers le cinéma, vers la télévision, vers la vidéo. Et quand je suis arrivé à Paris au moment des 13 soleils de la rue Saint-Blaise. Et j'ai vu ça, c'est une chance inouïe. Et c'est mon premier contact avec Gatti. Et après, j'ai toujours regardé ce qu'il faisait. Voilà. Et donc, la chance a été que faisant de la vidéo militante très engagé quand même à l'époque pour soutenir des luttes comme l'IP ou les luttes des filles de Cerisé ou de Pédernec, etc., qui ressemblaient, qui étaient dans le sillage de l'IP, de l'autogestion, la prise en main d'une production pour valoriser la lutte, attirer l'attention, et tout ça. Bon. Et puis je tombe sur ça, donc c'était formidable. Voilà. Et puis j'ai eu la chance, grâce à Jean-Jacques, me balance des choses à faire sur les... Donc petit à petit, là, j'ai fait 3 ou 4 textes sur la télévision de Gatti, le cinéma de Gatti, le Roger Rouxel après, qui va venir 2 ou 3 ans plus tard, etc. Donc, voilà. Mais chaque fois, c'est... Là, je voyais comment... L'histoire du montage où on ne peut pas quand même revenir en arrière, mais où c'est le mot qui commande. Il y a aussi des sortes de longs plans comme ça qui permet de caler cette voix. Et puis tout à coup, quand même, tac, tac, des plans très très courts. Hein. Il y en a énormément, c'est du montage court. Cette alternance montage court, montage long, cette voix qui énerve tout ça. Ou alors la mise en scène de l'italien, là. Jouer avec des photos. Tout le cinéma moderne cherche à mettre en avant des photos dans la narration qui remplace l'image en mouvement parce qu'elle condense l'énergie de la prise de vue, du réel, etc. C'est là, quoi. C'est extraordinaire. Il y a un plein. C'est un vrai travail d'auteur, mais c'est un vrai travail de mettre en mouvement la créativité de ceux qui veulent bien. Voilà, c'est pas, il y en a qui ça marche pas, d'autres ça marche. Et c'est à chaque fois, c'est un petit miracle quand même que ils arrivent à s'entendre. Et puis souvent dans mes articles, j'insiste aussi sur le travail d'Hélène et Stéphane qui trouvent énormément de choses parce que les Gatti balance des textes, il a vu des images, mais eux, ils trouvent la solution cinématographique. De montage, de composition, de métaphore. Il y a de la métaphore constamment chez Gatti, dans sa mise en scène, où on doit montrer, pour moi, le lion, c'est ça. Pour moi, la cage, c'est ça. Et hop, il y a des objets construits. Mais il y a une façon de les amener, de les monter et tout, qui est propre aussi à des cinéastes comme Stéphane, dont j'admire aussi des films qu'il a fait tout seul, comme celui sur la grand-mère. Laetitia. Laetitia, qui est un magnifique film. Voilà.